au soleil couchant, de l'Orient à l'Occident, du septentrion à l'Austral, la paix demeure indispensable. Bâtissons la paix, yeah, yeah, yeah. Bâtissons la paix. Bâtissons la paix, yeah, yeah, yeah. Bâtissons la paix. Tout à foutre à mani. Tout à foutre à mani. Tout à foutre à mani. Tout à foutre à mani. Tout jenge à mani. Tout jenge à mani. Tout jenge à mani. Tout jenge à mani. Tout à foutre à mani. À mani. Tout jenge à mani, kwa umoja. Wandugu sisi sote, tuungane kwa kaya. Tuungane kwa umoja, tujenge jamii. Wata sikiliza no. Wandugu sisi sote, tuungane kwa kaya. Tuungane kwa umoja, tujenge Afrika. Watasikiliza no. Mikakatano e utawapika tina biso wana Afrika. Tomekata Congo, piele Canada, les États-Unis d'Amérique. Teke batonga kina pomoko. Et la haine, mon image de blocage au développement africain. Gana comme école, pourquoi pas les États-Unis d'Afrique? Olingonza ma pesa biso rezali ya solo. Matina mona na ye moko nga kufa pona nga ina yo. Moyo toko miko pesa na rezali bolingo ya profie. Eko mi beto na beto, biso na biso, mwane tumweya. Biso nyoso to sangana, toto nga Kongo. Kongo ya biso nyoso, ekolo ezalate. Kongo ya biso nyoso, tolingana dememe. Zamera kena biso, na elingi na ye, nga poto lingana. Kana biso etondi biloko ya ndenge na ndenge. Badiama baongo bako batema. Basi loko ya koka misanga bato bazali kokufa na nzala. Zambe yoka kolela ya bana Kongo. Totika biso te na leli na yo. Batiso na pen enu la terre la ene mezamia. Congolese de Congolese. Sans la paix, n'y a point de progrès au monde. Strike by the earthquake, famine and floods. Hatred, terror and tribal conflict, lack of trust. Peace is a universal need.